Abrem-se agora as portas em nome da música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do programa Musicália. Este é o seu programa daqui, abordamos todas as sextas-feiras música cantada noutras línguas. E era bem, hoje vamos ficar pela França, vamos ficar pelos anos 30 e vamos trazer aqui um especial, digamos assim, de Edith Piaf. Ora, não vou falar muito sobre esta artista, primeiro porque ela já é muito conhecida, segundo porque, haveremos de falar sobre ela num outro contexto, numa outra edição da Musicália, às quartas. Mas hoje vamos falar, aliás, hoje vamos apenas ouvir algumas músicas de Edith Piaf, que foi sem dúvida o ícone, sem dúvida alguma, o ícone da música francesa dos anos 30. É a música dos anos 30 que vamos ouvir nestes próximos minutos. Vamos chegar com Mon Légionnaire e também com Mon Apéro, duas músicas de Edith Piaf. Il avait de grands yeux très clairs, parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent des orages. Il avait plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait à vue pas pris. Sur son cœur on lisait personne, sur son bras droit un mot, raison. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front. Bonheur perdu, bonheur enfui, toujours je pense à cette nuit, et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure et puis je songe que lorsque j'étais sur son cœur, j'aurais dû crier mon bonheur. Mais je n'ai rien osé lui dire, j'avais peur de le voir sourire. C'est pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. On l'a trouvé dans le désert, il avait ses beaux yeux ouverts, dans le ciel passaient des nuages. Il a montré ses tatouages en souriant, puis il a dit, montrant son cou. Pas vu, pas pris. On prend son cœur ici. Personne qui savait pas, je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le destin me ramènerait un beau matin, mon légionnaire. Qu'on s'en irait loin tous les deux. Dans quelques pays merveilleux, plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front. La bon feu. Mais quand on ne possède que pour dalle, on prend son plaisir où l'on veut. Dans le quartier, on me blague, je suis un pilier de vissant. C'est vrai qu'avec les pochards, j'y vague. Chaque fois que j'ai le cœur trop gros, d'autres cherchent des trucs compliqués. Mais comme j'ai horreur du chiquet, moi c'est au bord du comptoir que je prends tous les trois mon apéro. Je discute avec le patron, je l'appelle par son petit nom, c'est un bon mot. Comme les mâles, je lui dis Arthur, vas-y, et je te lui joue la tournée aux bandits. Le phono pousse une java, l'ennui doucement s'en va, tout me semble beau. Et je noie mon ennui profond pour une heure tout au fond d'un apéro. Sur mes 16 ans, comme j'étais belle gosse, tous les gars me faisaient du boniment. Alors je me suis mise à faire la noce, c'est venu je ne sais pas comment. Ils me payaient tout sans rien dire, j'avais voiture et hôtel. Mais il me fallait toujours sourire, le cœur barbouillé de fière. Et je rêvais d'un petit mécano qui ne m'offrirait que des bécots. Alors pour chasser le noir, je buvais dans tous les bars des apéros. Grimpé sur un tabouret, trempé dans mon gobelet, un chalumeau. Et devant l'air fatigué d'aide encore, je me sentais prise par les chasses du chef. Plus que moi riche d'amour, il embrassait chaque jour une dactylo. Et je n'avais pour me consoler, mon cœur aussi désolé, que les apéros. Mais les cocktails me tournaient la tête, alors j'ai bientôt plaqué le métier. Alors voilà, bon Dieu, que la vie est bête, revenu dans mon vieux quartier. Là voilà ma petite église, et chez moi rien n'a changé, rien. Rien, sinon mon cœur, cette prison grise, à qui tout reste étranger. Hélas, le bonheur n'a qu'un temps, voyant que l'amour fout il camp. Je suis revenu au comptoir où l'on me payait le soir des apéros. Je ne crois plus à rien du tout, patron, encore un coup et du costaud. C'est en baissant que je revois les cieux, et dans mon verre je pêche des rêves bleus. Affamé par les coups durs, j'ai mis la main sur le bon numéro. Et mon cœur vide d'amour n'a plus de tendresse que pour les apéros. Ouvimos agora mais dois temas desta cantora francesa. Vamos chegar com Le Marin Coupé de Voyage e vamos ainda ouvir um dos seus maiores sucessos. Chama-se On Danse sur ma chanson. É um tema do ano de 1939, ou seja, ali bem no finalzinho da década de 1930, e que ilustra bem a vivacidade desta cantora e a diversidade também das músicas que interpretava. Aliás, como já foram exemplos de Mon Légionnaire e Mon Apéro, dois temas distintos em termos rítmicos e que Edith Piaf interpretou com distinção. Vamos então ficar com estas duas musiquinhas numa emissão de musical que vai ser mais curta. Eu vou voltar, entretanto, para as despedidas e para mais duas ou três musiquinhas. Espero que a sua tarde, aliás, a sua noite, na terça-feira, esteja a correr pelo melhor. Fique bem, fique com a Rádio Antenor. Até já. Il m'avait dit seulement je t'aime, et ces mots-là, ça compte tout de même. On s'est aimé 8 jours tout plein, puis il m'a dit un beau matin, voilà que je m'en vais, mais pas trop de peine, je suis un matelot, faut que tu comprennes. Les marins, ça fait des voyages, ça reste jamais pour bien longtemps. ou par joyeux, on vient courant, des fois bien sûr, il y a les naufrages, mais les retours, c'est tout plaisir, et nos amours peuvent pas mourir, on sait qu'on repart, on n'a pas le cœur de faire du mal à son bonheur. Faut pas pleurer et du courage, la mer est belle, et puis dis-toi qu'on n'y peut rien, ni toi ni moi, et que les marins font ce voyage. Je l'ai vu partir sur son navire, il me faisait de loin un beau sourire, et d'un seul coup je ne l'ai plus vu, et puis le bateau a disparu. La mer chantait d'une voix câline, on a parlé comme deux copines. Les marins, ça fait des voyages, ça reste jamais pour bien longtemps. Ils reviennent joyeux, ils repartent contents, pour les aimer, ont du courage. Mais les retours, c'est tout plaisir, et leurs amours peuvent pas mourir. Le flag qui part, mon pauvre bonheur, dessus la mer, vogue mon cœur. Mais v'là que je pense qu'il y a des naufrages, sois bonne la mer, ne le garde pas, si tu veux bien, on partagera. Car les marins font un voyage. J'ai attendu pendant des semaines, et puis maintenant, c'est plus la peine. Il m'a fait dire par ses amis qu'il reviendrait plus, c'était fini. Il m'avait fait cadeau d'une bague, je l'ai jetée au creux des vagues. Les marins, ça fait des voyages, on les espère. Pendant longtemps, il y en a qui reviennent de temps en temps, d'autres font cracher le cœur au passage. Il n'y a plus de retour, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus d'amour, il n'y a qu'à mourir. Celui que j'aimais, il ne reviendra pas, et puis s'il revient, il recommencera. Car les marins font que ça voyage, ça court toujours vers d'autres bonheurs, et ça nous laisse avec notre cœur pané, pour tout partage. J'ai voulu finir la chanson qu'au printemps j'avais commencé, mais tu n'es plus à la maison et les fleurs sont toutes fanées. J'aurais dû chanter comme les poètes avec de grands mots notre bel amour, mais je n'ai pas su. Ma chanson est faite de tout petits mots, ceux de tous les jours. J'ai pris tout ce que tu disais, amour, serment, toujours, jamais, tendresse. Sur la splendeur de nos matins et sur la douceur de tes mains, caresse. J'ai construit de beaux souvenirs avec le goût de mon désir. En pierre, j'ai dit ton sourire vainqueur et ton regard un peu moqueur. Quand tu posais là sur mon cœur tes lèvres, puis j'ai dû sur un vieux piano chercher l'air que j'aimais entendre. Qui pleurait comme un sanglot, mais personne n'a dû comprendre. Car cette chanson que je croyais faite pour chanter l'amour qui me fut si doux, Je l'entends partout comme un air de fête et les gens ont l'air de rire de nous. Car sur les mots que tu disais, amour, serment, toujours, jamais, on danse sur la splendeur de nos matins et sur la douceur de tes mains. On danse sur mes plus jolis souvenirs et sur le goût de mon désir. On danse et sur ton sourire vainqueur, sur ton regard un peu moqueur et sur la peine de mon cœur. On danse. Puisque sur l'air que j'aimais tant, que tu chantais si tristement, on danse. Puisque personne n'a compris que sur les mots que tu m'as dit, on danse, c'est que cet amour si profond ne valait pas une chanson. Je pense, alors j'ai voulu oublier. Quelqu'un m'a appris à danser et maintenant sur le passé, je danse. Je danse. E ao final de mais uma emissão do Musicalia, hoje falei pouco porque sendo sobre a Edith Piaf, mas não querendo falar sobre ela, tive de trazer mais um bocadinho de música. Eu creio que será de certa forma ilustrativa também dos anos 30, porque era na altura sobretudo o que se ouvia de Edith Piaf, e não só, é que também não há muitos mais registros, pelo menos que nós aqui tenhamos em mãos, infelizmente não há muitos mais registros, mas enfim, vamos fechar esta emissão com três temas. O primeiro que vamos ouvir é de Piaf, já disse isso, já sabia disso, não é? A música chama-se La Jolie et Jolie. Vamos ficar depois com La Java de Sazan. E para fechar, uma musiquinha bem divertida, Les Ibu. São os três próximos temas que vão encerrar esta emissão do Musicalia. Estou de volta amanhã, à mesma hora, às 8h30. Vamos falar sobre Rui Veloso, mas isso já são outras cantigas. Espero que a sua noite esteja a correr bem na companhia da Rádio Antena Web. Até amanhã. Olá, Louis de la Saint-Jean, un fermier qui se racle des rentes, dans le champ de misère des pauvres gens, à la sang qui est juste d'un servant. Après avoir roché longtemps pour sa terre de sa bioparence, avec la croûte et puis le logement, il fit embauche de la Julie, la Julie, était si jolie. L'employa sans un brin de repos, du pas matin à la nuit grande, amenait pâturer les bestiaux, dont l'herbe déluge de la lande, ne blottit pas comme bonjour le bon vieux, ayant trop vu des cousins lieux. Il s'en fit devenir amoureux, et sauta dans l'île de la Julie. La Julie était si jolie, Depuis jour devenu fou d'amour, qui t'y paya des amusettes, des affutures pour le fait du goût, pour comme toujours, les dieux de la tête. Bandit brimaille déjeuner, bandit talent des sons trouvés, en seule fin de serre des journées, pour mettre dans le bas blanc de la Julie, la Julie, qui était si jolie. Si d'un coup qu'il eut plus rien, il eut vendu jusqu'à sa ferme, Almidor ou bon bifrin, comme un vent qui fait plus son terme. Mais ce jour-là, c'était la Saint-Jean, pour qu'à terme sans vieux parents, avec la course et pillagement, il s'embouffa chez la Julie, la Julie, qui était si jolie. Des idées d'un petit bonhomme, aux des joues plus comme une pomme, qui joue de l'accordéon le soir chez un bougnat de la rue de Charenton. Hop, faut le voir avec sa casquette, mise à la casseur d'assiette, et son petit bout de mégot qui le fait sans arrêt clignoter ses décoraux. Moi d'habitude la musique, c'est rigolo, ça me donne envie de pied, ça me rend neurasthénique, et je me sens pas du tout pour gambier. Ah oui, mais quand c'était ses zics, embrasse Miss Kipelzik, il tire des sons, son accordéon, et s'affiche le frisson. On vous comme dans les oreilles, que les javas sont tous pareils. Eh ben, ceux qui disent ça, ceux qui connaissent pas ses aiguilles, sa java. Quand ses zics a fait une touche, la môme n'attrape pas les mouches. Et la carrée de l'hôtel devient subitement la succursale du ciel. Et puis après le béguin sort, pour un mot qui est pas en place, c'est fini de rigoler, ses zics s'est déguisé en machine bonnerie. Quand un monsieur ordinaire corrige une dame parce qu'il a le nerf agacé, ça change de place la poussière. Et cinq minutes après, tout est clanté. Oh, oh oui, mais comme c'est zig, en bras de chemise qui fait le zig, il fout des nions au grenon de nom, quelle distribution. On vous campe dans les oreilles, que les javas sont tous pareils. Et pour ceux qui disent ça, c'est qu'ils connaissent pas ces zig et sa java. Vous pensez bien que ces zig ne sort pas d'une caisse de figues. Comme on demande partout qu'il fasse n'importe quoi, c'est jamais pour des clous. Il pourrait tout comme les potes, promet ça à la belote. Ou bien sur un tocard qui fait sur la pelouse de grands coups de Trafalgar. Mais non, non, non, mais à la planque. On va boire sa buguette comme un gigolo. Il a un compte à la banque et une des petites rachets au bord de l'eau. Aussi quand on voit ses zics en bras de chemise qui fait le zic, sans attiger, même les étrangers disent qu'il sait nager. On vous campe dans les oreilles, la vie n'est pas une merveille. Ben, ceux qui disent ça, c'est qu'ils connaissent pas ses zics et sa java. Il y en a qui viennent au monde fainard, d'autres au contraire, toute leur vie sont guignardes. Mon père était, paraît-il, un pauvre, ma mère était boniche dans sa maison, le patron lui ayant fait du boniment, et de plus lui ayant fait un enfant, ma coupe d'aronne par la patronne fut balancée en vitesse et comment. Pour me nourrir, ma mère devint catin, et moi depuis suis devenu un bourrien. Et nous qui sommes les hiboux, les apaches, les voyous, qui n'en foutent pas un coup, dans la journée nous planquons nos mirettes, mais le soir nous sortons nos casquettes. Nous femmes prévues des bateaux, pendant que nous chez le bistrot, dans un coin bien au chaud, on fait sa petite pelote avec qui, mais comme nous, des coquins, des apaches, des hiboux. Faut pas se tromper, nous ne sommes pas bons à tout. On est des poisses, des cossards, et c'est tout. On nous rencontre jamais sur les boulevards, seulement le soir pour chasser leurs cafards. Les gens rupins, les blasés, les vicieux, avec leurs poules qui nous font les deux yeux, viennent dans nos bouges boire du vin rouge, et en dansant, elles nous appellent au monsieur. On sent leur chair qui frémit dans nos bras, alors on serre en leur disant tout bas. C'est nous qui sommes les hiboux, les apaches, les voyous, qui n'en foutent pas un coup. Dans le jour, nous planquons nos mirettes, mais le soir, on sortons nos casquettes. Nos femmes crient des bateaux, pendant que nous chez le bistrot dans un guadiano chaud. On fait sa petite volotte avec des mecs comme nous, des coquins, des apaches, des hiboux. Y'en a qui croient être des hommes affranchis. Il faut marrer avec tous leurs chichis. Nous, on sait bien que ça finira au grand air. Le coup serré dans le truc à monsieur des blaires. À moins qu'un soir, un mai ou un costaud nous refile un coup de son surin dans la peau. Ça finit vite, sans eau bénite, nos héritiers fuient tous des bigorneaux. Les tocards, on claque sans un sale coup. Oh, que ce soit là ou ailleurs, on s'en fout. C'est nous qui sommes les hiboux, les apaches, les voyous, qui n'en foutent pas un coup. Dans le jour, nous planquons nos mirettes, mais le soir, nous sortons. Écoutez ça, vous les rubins, il y aura moins de coquins quand chacun prendra son chemin. Si mon père n'avait pas agi comme un voyou, moi aussi, peut-être un homme comme vous.